Ah, le printemps. Vous les entendez, les petits oiseaux qui gazouillent dans vos oreilles, alors qu'un léger vent frais soulage votre peau d'un soleil qui, aujourd'hui, a dû commencer sa journée plus tôt qu'hier et encore plus tôt qu'avant-hier. Il fait bon, ni trop chaud ni trop froid, un petit pull dans le sac pour le matin et pour le soir, et le midi, c'est déjeuner sur l'herbe, entouré de fleurs, avec les notes discrètes des atchoums des personnes fragiles allergiques au pollen. Ah, les paisibles journées du matin! Mais que demande le peuple quand on sait que cette saison est juste au coin de la rue? Mais non, non, n'y pensez pas. Aujourd'hui, il sera question de vent nouveau et pas de vent lacrymo, de jeunesse renaissante et non de retraite, et du feu de l'amour de la nature et non de brasier rue du tram. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans cette saison que tout le monde adore, même celles et ceux qui sont allergiques au pollen. D'ailleurs, le premier qui éternue dans le studio sort. Toutes les chroniqueuses sont là aujourd'hui pour faire un tour du printemps en Europe et préparer ensemble cette saison, loin du tumulte de la vie politique. Vous êtes sur Europe & Roll et c'est parti pour une émission spéciale Printemps en Europe. Actu, débat, culture, idées, musique. Ça c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Et la jeunesse, le beau temps, l'énergie, c'est les chroniqueurs et chroniqueuses qui l'amènent pour vous servir. Aujourd'hui, c'est une équipe de choc qui vous a préparé une météo de folie. On commencera sous le soleil printanier des villes européennes avec un tour d'Europe proposé par Carmen, vous invitant au voyage dans trois villes à découvrir au printemps. Vous ne pensez pas partir en vacances durant cette période parce que pourquoi vouloir aller autre part alors que l'on peut profiter d'une lumière nouvelle sur son chez-soi. Inès vous proposera de découvrir la poésie du printemps pour voir comment cette saison du printemps a inspiré les artistes et vous y compris. Et puis si finalement non, tout compte fait, vous n'aimez pas le printemps, Mathilde vous expliquera pourquoi vous n'êtes pas seule dans ce cas. Il existe un mot pour cela en allemand, trop complexe pour que je vous le lise, mais sachez pour l'instant qu'il vous permettra d'expliquer pourquoi vraiment le printemps ça vous saoule. Bon, vous l'aurez compris, ici on adore le printemps et c'est pour ça d'ailleurs que je n'arrête pas de prononcer ce terme. Et pour l'apprécier comme il se doit, quoi de mieux que la musique? Aujourd'hui c'est Anaïs qui fera des notes printanières, une partition musicale avec une sélection spéciale et Gaëtan vous proposera un flash culture spécial printemps. Mais pour l'instant cessons de rêvasser un peu et posons les questions qui fâchent. Léandra, qu'est-ce qui se passe en Europe en ce moment? Bonjour, alors cette semaine était très busy pour les institutions européennes. Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Macron se préparent à une visite d'État en Chine du 5 au 8 avril. L'objectif est de travailler dans le sens d'un retour à la paix en Ukraine. Tout ça ne part pas très bien car von der Leyen a annoncé lors d'un discours jeudi dernier que l'Europe devrait réévaluer ses relations diplomatiques et économique avec la Chine. D'après elle, le monde et en particulier la Chine ont beaucoup changé et évolué au cours des trois dernières années. Le gouvernement chinois ne mise d'après elle plus sur les réformes de l'ouverture, mais se montre plus sûr de lui et même plus agressif à l'étranger et plus répressif dans son propre pays. L'Union européenne doit donc, d'après elle, veiller à ce que son économie soit moins dépendante de la Chine, mais elle précise qu'une économie qui serait entièrement indépendante de la Chine ne serait pas réaliste et surtout pas dans l'intérêt de l'Union européenne. Un climat tendu pour l'évolution des relations économiques entre la Chine et l'Europe, c'est une affaire à suivre. En plus de ça, l'Union européenne a adopté deux nouvelles mesures majeures. L'une sur la transparence pour l'égalité salariale entre femmes et hommes. Parce que oui, les inégalités salariales dans l'Union sont encore bien fortes. Les chiffres de la Commission le montrent. En 2020, dans les pays membres pour travailler égal, les femmes gagnaient en moyenne 13% de moins que les hommes par heure travaillée. Le secret salarial sera désormais interdit et si un écart d'au moins 5% est constaté, il pourra y avoir des évaluations des salaires en coopération avec les représentants du personnel ainsi que des amendes, bien entendu. L'autre grande décision de la semaine prise par les institutions est celle d'un objectif de 42,5% d'énergie renouvelable dans le mix européen d'ici 2030. C'est une décision immense car cela représente le double du niveau actuel. Des avancées au niveau des institutions européennes, mais que s'est-il passé à l'échelle des États membres? L'Écosse a un nouveau Premier ministre. C'est Humza Yousaf qui a été élu pour remplacer Nicola Sturgeon, qui avait annoncé démissionner de son poste au mois de février dernier. Il est du parti nationaliste écossais, donc pour l'indépendance de l'Écosse du Royaume-Uni. Il est particulièrement jeune, a des racines pakistanaises et est le premier chef du gouvernement écossais de confession musulmane. Donc, dans le nord-nord de l'Europe, un nouveau Premier ministre, comment va le Sud ? Eh bien, l'Espagne a fait face la semaine dernière à son premier incident de forêt. Le feu a déjà brûlé plus de 3800 hectares de végétation et a entraîné l'évacuation d'au moins 1500 personnes dans la région de Valence. Tragédie, d'autant plus que le printemps ne vient qu'à peine de commencer. Merci Léandra pour ce tour d'horizon de l'actualité européenne. Bon, je t'avoue que toute cette actualité brûlante, c'est manifestement très lourd pour moi. Là, j'ai envie de voyager, de bouger, de découvrir l'Europe, enfin de vivre quoi. Et on a de la chance parce que c'est justement ce à quoi Carmen nous invite avec une chronique sur les capitales européennes de la culture qui fleurissent au printemps. Alors si je vous demande ce que les villes de Veszprém en Hongrie, d'Eleusis en Grèce et de Timișoara en Roumanie ont en commun, je suis prête à parier que personne parmi vous, chers auditeurs, ne saura me répondre. Et c'est justement le but de ma chronique, mettre la lumière sur ces trois villes désignées « Capitale de la culture 2023 » par l'Union européenne. Alors l'initiative de ce label en 1985 revient à Mélina Mercouri, alors ministre grecque de la culture. Selon la Commission européenne, le but de ces capitales européennes de la culture est de mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle en Europe et les liens qui nous unissent en tant qu'Européens. Plus concrètement, de multiples manifestations culturelles sont organisées dans les villes sélectionnées pour promouvoir leur patrimoine et montrer leur dynamisme en profitant de l'attention médiatique mais aussi des fonds européens pour la culture. Tout cela a pour effet de bénéficier au secteur touristique et de redonner un nouvel élan à ces villes qui cherchent parfois à se reconvertir. Et comment la Commission européenne fait-elle son choix parmi les milliers de villes de l'Union européenne ? Alors un système de roulement entre les pays a été mis en place et ceux-ci sélectionnent eux-mêmes la ville qu'ils proposent ensuite à la Commission pour confirmation. Les trois villes validées 4 ans à l'avance doivent ensuite organiser toutes les festivités et animations. Et la prochaine occasion pour une ville française de briller sous les projecteurs européens sera en 2028. L'attribution se joue actuellement entre Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen. Et pour nos voisins allemands, ce sera dès 2025 avec la ville de Chemnitz, située tout à l'est dans le Land de la Saxe. Donc maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement et l'origine de cette initiative européenne, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les trois villes qui ont été choisies pour cette année 2023 ? Alors revenons sur les stars du moment. Timișoara en Roumanie, un très riche passé historique, industriel et culturel, puisque ses rues furent les premières d'Europe à être éclairées par l'électricité à la fin du 19e. Faisant jusqu'en 1918 partie de la Hongrie, elle est devenue roumaine après la Première Guerre mondiale. Et à partir de 1938, elle a subi le joug ininterrompu des dictatures carlistes, puis fascistes et enfin communistes jusqu'en 1989. En décembre de cette année-là, Timișoara fut la première ville de Roumanie à se rebeller contre le dictateur Ceaușescu, dont le régime s'effondra quelques jours plus tard. Cet aspect historique se combine avec une très grande richesse patrimoniale. Timișoara est même surnommée la Petite Vienne, en référence à ses nombreux monuments historiques d'influence baroque. Et Timișoara n'est pas la seule capitale européenne à bénéficier d'un petit surnom, n'est-ce pas ? Effectivement, la hongroise Veszprém est surnommée la ville des reines, en référence aux reines qui venaient régulièrement en villégiature durant le Xe siècle. Veszprém possède un très beau centre historique, là encore peuplé de bâtiments baroques, et par ailleurs, elle partage sa nomination avec la région environnante du lac Balaton. Ce dernier, le plus grand lac d'Europe centrale, sera d'ailleurs au cœur du festival de l'écologie Balatarium, visant à sensibiliser à la protection des écosystèmes. Et pour découvrir la dernière capitale, il faut se diriger un peu plus au sud, jusqu'au bord de la mer Égée. En effet, la ville grecque d'Eleusis, voisine de la Grande Athènes, était quant à elle une cité de la Grèce antique. Elle possède donc des richesses archéologiques comme le sanctuaire d'Eleusis et le grand tragédien grec Eschyle y est né au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'industrialisation d'Eleusis à partir du XIXe l'a transformée en un centre industriel majeur et l'opportunité d'être capitale de la culture est aujourd'hui un moyen pour la ville post-industrielle de se réinventer. Quoi de plus lumineux que la culture en Europe qui rayonne au printemps ? Merci pour cette chronique, Carmen, sur les capitales de la culture en Europe. Et il est déjà temps de découvrir la première proposition musicale aujourd'hui présentée par Léandra. Le printemps, c'est cette douce période de transition entre ces sombres jours d'hiver et les beaux jours d'été qui nous attendent tous. C'est comme un vol en avion entre deux continents, une douce transition. Alors je vous emmène avec moi pour un Big Jet Plane que la chanteuse Pomme a interprété pour l'album Songs of Australia, réunissant des artistes du monde entier. She said, "Hello, mister, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her." She smelled of daisies, she smelled of daisies. She drive me crazy, she drive me crazy. I'm gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Yeah. Yeah. Be my lover, my lady river. But can I take you higher? Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Yeah, yeah, yeah, yeah. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Anaïs, pour cette première proposition de musique présentée aujourd'hui par Léandra, c'était Big Jet Plane de Pomme sur Europe & Roll. Bon, en général, tout a l'air plus beau au printemps et les artistes, interprètes inlassables de cette beauté du monde l'ont bien compris. Inès, parle-nous de comment le printemps inspire les âmes d'artistes comme la tienne. Printemps du cinéma, le printemps des poètes, la culture bourgeonne véritablement à l'approche des beaux jours. Et c'est justement cette image du renouveau qui est à l'origine du projet du Printemps des Poètes pour contrer l'idée reçue selon laquelle la poésie manquerait de vitalité. Le projet se veut à l'opposé de nos souvenirs d'enfance où l'on apprenait par cœur des vers poussiéreux sur le printemps du style « Je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes » pour citer la cynique rappeuse Kazé. Donc je comprends que cette vision du printemps dans l'art soit un peu éculée, mais ce serait dommage de priver les artistes de cette thématique, non ? Je suis bien d'accord, revendiquons notre droit à se réjouir du printemps. La symbolique du printemps, que ce soit le renouveau, l'amour ou la nature, n'est d'ailleurs pas obligée d'être investie de manière lyrique ou niaise. La nature, la forêt qui change au printemps par exemple, c'est poétique et philosophique. Du moins c'est la vision défendue par Hélène Dourion, première femme québécoise vivante à rentrer au programme du baccalauréat de français. Imaginée au cœur des forêts de conifères laurentiennes, donc près du lac Laurent, Hélène Dourion décrit la puissance de la forêt physique comme intérieure. Je la cite « Mes forêts sont le bois usé d'une histoire que racontent des lunes tenues à bout de bras. Quand s'approche la nuit et le hurlement de nos peurs, mes forêts sont la mise en terre de vagues immenses et des mots que je ne reconnais pas. » Alors pour écouter le chant de l'arbre comme l'entend Hélène Dourion, courez donc chez votre libraire. Et tu poursuis justement cette promenade printanière en musique. On connaît tous le printemps des quatre saisons de Vivaldi, que l'on ait découvert au conservatoire ou, comme moi dans le film Intouchable, quand à l'écoute des premières notes, Omar Sy reconnaît le standard téléphonique de Pôle emploi. Bonjour, vous êtes bien aux Assédiques de Paris. Le temps d'attente est d'environ 2 ans. On est pourtant moins au courant du fait que Vivaldi ait écrit un sonnet en introduction de chaque saison qu'il a placé sur la partition, chaque vers illustrant une partie du concerto, qui pour le printemps commence donc par le chant des oiseaux, perturbé ensuite par l'arrivée brusque d'une tempête. Voici le printemps, que les oiseaux saluent d'un chant joyeux, et les fontaines, au souffle des zéphyrs, jaillissent en un doux murmure. Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir, le tonnerre et l'éclair, messagers de l'orage. Enfin, le calme revenu, les oisillons reprennent leur chant mélodieux. Et sur le pré fleuri et tendre, au doux murmure du feuillage et des herbes, dort le chévrier, son chien fidèle à ses côtés. Au son festif de la musette, dansent les nymphes et les bergers, sous le brillant firmament du printemps. Mais bon, c'est très beau tout ça, mais tu nous avais quand même promis qu'on échapperait au poème nié sur le printemps. Bon, alors pour les insensibles du lyrisme italien, je vous ai déniché un article de blog québécois. Bon, encore une fois, je sais, mais il faut croire que les Québécois savent décentrer le regard. Ça parle des choses qu'on n'aime pas au printemps. Et visiblement, Perrine Gruzon pour Métro-Québec ne manque pas d'inspiration. Je vous le lis en vous épargnant un accent québécois douteux. Alors elle nous parle d'abord d'une expression, ça sent le printemps. Dans le sens de « ça ne sent pas la rose ». À certains endroits, le froid hivernal avait emprisonné les odeurs, mais avec l'arrivée des températures positives, arrive le dégel et ses émanations pas toujours ragoûtantes. Et que dire du fumier qui dégèle lui aussi ? Je continue. De l'été à l'hiver, oui, on s'y serait cru sur notre balcon, à déguster une bonne bière fraîche, les gougounes aux pieds et les manches relevées. Attention aux nuages qui passent et qui va cacher le soleil. La bière trop frette, comprenez fraîche, tu trouveras. Ton pied dans ta gougoune se frigorifiera et ton Canada Goose tu remettras. Bon, vous l'aurez compris, le printemps apporte de la créativité et l'inspiration du printemps peut tout aussi bien se matérialiser par un délicat rayon de soleil, les chants des oiseaux ou de grosses giboulées qui s'abattent jusqu'au Québec. Merci Inès pour cette chronique sur l'inspiration des artistes permise par le printemps, comme quoi il y a de quoi faire de l'art sur tout, y compris sur les aspects négatifs. Restons sur la thématique de l'art pourtant et de la culture avec le flash culturel aujourd'hui présenté par Gaëtan. C'est le printemps, retour du soleil, la saison des festivals commence peu à peu. Aujourd'hui je vous présente les dates à pas manquer en 2023. Tout d'abord, direction la Belgique à Liège où se tiendra début juillet les Ardentes. C'est le Coachella européen. Prenez vos 5 artistes les plus écoutés sur Spotify, ils seront pratiquement tous là. Aya Nakamura, Hamza, Eddie One, Travis Scott, Playboi Carti, bref, tout le monde. Si vous êtes trop impatient pour attendre juillet, il y a une solution pour vous dans le plat pays. Direction les Printemps de Bourges. En avril, il y en a aussi pour tous les goûts, à la fois des grosses têtes et des artistes un peu moins commerciaux. Vous allez kiffer, en plus il reste des places. A noter que vous pouvez en profiter pour visiter la ville, qui est quand même mondialement reconnue pour son architecture. Pour maintenant, si vous voulez voyager dans notre beau continent et si possible par train, on vous a fait une petite sélection. Une île au milieu d'une grande capitale historique européenne avec 500 000 festivaliers venus de toute l'Europe, ça vous tente ? Alors tchou-tchou, direction le Tiget Festival à Budapest en Hongrie. Bon, un festival c'est cool, mais avec du soleil c'est un peu mieux. Il y a le Bilbao BBK Live à Bilbao, donc situé à 850 mètres d'altitude dans un cadre idyllique dominant la ville de Bilbao. Le BBK Live fait le choix de la diversité, hip-hop, électro, pop et rock, on y trouve de tout. Bref, la saison des festivals s'annonce super, alors on profite et on écoute de la bonne musique. Merci pour cette présentation des festivals de printemps, ça me tente bien, un petit festival à Bilbao, tiens, mais pour l'instant, on devra se contenter de la proposition musicale faite par Anaïs et présentée aujourd'hui par Léandra. Et si on faisait un petit tour en Allemagne avec le groupe Milky Chance? Leur style musical entremêle reggae et musique électronique. Un peu de gaieté pour un réveil unique et poétique, c'est Stolen Dance avec Milky Chance. You by my side, so that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. And I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. Classique annonçant le printemps, c'était Stolen Dance de Milky Chance sur Europe & Roll. Ah là là, tout ce bonheur dans l'air, moi ça me met vraiment en joie, mais Mathilde, qui manifestement ne va pas rater l'occasion pour se plaindre du temps printanier à Nancy, veut nous parler des gens qui vraiment, vraiment n'aiment pas le printemps. Et il y a un mot pour ça en allemand, c'est ça ? Tout à fait. Alors cette semaine, Europe & Roll a voulu penser printemps, soleil qui s'annonce et corps qui se découvre. En bref, une nouvelle ère pour les Nancéens plongés dans la grisaille depuis le mois d'octobre. Et je dis bien d'octobre, car oui, une sudiste en pays lorrain doit véritablement lutter pour ne sortir son manteau qu'une fois le seuil des 30 jours de septembre passé. Alors si pour nous, Français, soleil printanier rime avec bonheur retrouvé, de l'autre côté du Rhin, eh bien l'heure n'est pas à la gaieté. Et je m'interroge sur ce que les Allemands ont encore pu inventer. Une fois n'est pas coutume, c'est bien chez nos voisins germanophones que je suis allée m'inspirer aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit retour à vos cours d'allemand du collège. Vous vous rappelez sûrement qu'il est aisé avec la langue de gueux de jouer avec les mots en les accolant pour en créer de nouveaux. Et rien à voir avec nos mots aux valises fantaisistes, loin d'être entrés dans le langage courant. Sur ce point-là, on peut dire que la grammaire est bien plus créative outre-Rhin, ce qui a pu mener à la création d'expressions comme « verschlimmbessern », contraction des verbes « aggraver » et « améliorer », désignant la situation dans laquelle tous vos efforts pour vous sortir d'une impasse ne font qu'empirer les choses. On peut citer aussi le substantif « schnaps », idée, pouvant être utilisé pour toute réflexion qui vous paraîtrait brillante le vendredi soir après avoir vidé la bouteille de rouge, avant de vous rendre compte de vos excès le lendemain matin. Bon, après, on va pas vous mentir, tout n'est pas hilarant non plus. Je vous passe la « Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben über Tragungsgesetz », a.k.a. la loi sur le transfert des obligations de contrôle de l'étiquetage de la viande bovine, ou encore la « Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung », c'est-à-dire « Ordonnance sur le transfert de compétences immobilières », et ce, en toute simplicité. Eh oui, c'était des mots très longs que Mathilde a su lire parfaitement. En dehors de ces modalités législatives passionnantes avec des mots très longs comme je disais, qu'est-ce que tout cela a à voir avec le printemps? Alors c'est très simple, deux indices. Frühjahr pour le printemps et Müdigkeit pour la fatigue. Allez, encore un petit effort. Printemps, fatigue, fatigue, printemps. Cela peut vous paraître étrange puisque l'expression qu'on cherche n'a pas encore trouvé d'équivalent en français. Bon allez, je vous le donne en mille. Frühjahrsmüdigkeit, donc pour nos voisins allemands, c'est la fatigue de printemps. Il semblerait en effet qu'un étrange mal s'installe de l'autre côté de la frontière à l'arrivée des beaux jours et empêche de profiter des jours qui rallongent et des pique-niques sur le gazon. Mais vous savez, depuis le Sturm und Drang, il est fort possible que nos anciens romantiques ne soient pas complètement guéris de leur côté drama queen. Sauf que voilà, en Allemagne, la Frühjahrsmüdigkeit, c'est un vrai sujet de société qui revient chaque année dans les journaux les plus sérieux. Et comment se manifeste ce mal étrange ? Alors, si on a envie d'être un petit peu méchant, on pourrait décrire ça comme un état de flemme généralisée. Mais pour plus de scientificité, on peut aussi parler de mal de crâne, de fatigue générale et de somnolence. Les médecins ont même trouvé des facteurs cohérents pour expliquer ces symptômes. L'adaptation hormonale du corps aux nouvelles températures et à l'allongement du temps d'ensoleillement ne se fait pas toute seule. Ces troubles pourraient donc venir d'un déséquilibre entre la mélatonine, pour schématiser l'hormone du sommeil, et la sérotonine qui vient la remplacer au printemps. Un chamboulement interne accentué par les différences d'alimentation entre l'hiver et l'été, mais aussi au temps de sommeil dont nous prive le soleil qui se lève de plus en plus tôt. Alors si vous avez peur, vous aussi, d'être subitement atteint par la Frühjahrsmüdigkeit, ne vous en faites pas. Hors de question de vous laisser cloîtrer, voler fermé en boule sous la couette et assailli par cette déprime printanière. Respirez, faites place au soleil et mangez des fruits. Vous devrez arriver à vous sortir de cette mauvaise passe, comme nos amis allemands qui parviennent tout de même à profiter de l'été. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on n'en fait pas un peu trop avec cette Frühjahrsmüdigkeit, voilà? Parce qu'on ne peut pas dire que le climat lorrain et allemand soit fondamentalement différent et... Et pourtant, nous, on n'en avait jamais vraiment entendu parler. La question reste effectivement ouverte. Les mots permettent-ils de nommer le mal ou participent-ils à sa création ? On peut quand même dire qu'on parle aussi en Grande-Bretagne de springtime lethargy ou de spring fever, mais qui peut cette fois-ci également désigner un regain d'énergie apporté par la belle saison et donc le contraire de la Frühjahrsmüdigkeit. On en trouve aussi un exemple similaire au Japon avec le mot Kogatsubiyo, toutefois bien ancré dans un contexte culturel où les mois de mars et d'avril marquent la fin de l'année et sont donc souvent des périodes remplies d'examens, de concours et donc de stress. Mais la Frühjahrsmüdigkeit pourrait aussi se révéler bien utile. Si par exemple, par un beau matin, l'envie vous prenait de rester au lit un peu plus que de coutume, plus d'excuses à inventer. Saisissez-vous de votre téléphone, appelez votre patron, prof, collègue, que sais-je, et lancez... Oui, ben, je suis désolée, mais en fait, je crois que ce matin, je vais pas pouvoir venir travailler parce que je suis Frühjahrsmüde. Écoute, je ne raterai pas l'occasion de le faire pour la prochaine émission Europe & Roll et il faudra m'excuser parce que manifestement, je ne pourrai pas prononcer le terme. Après avoir fait le tour du printemps, côté positif, côté négatif, on espère, chers auditeurs et auditrices, vous avoir toujours motivé pour apprécier ce moment particulier à sa juste valeur. Merci à vous de nous avoir écoutés et nous le rappelons, vous pouvez même nous réécouter sur Spotify où toutes nos émissions sont disponibles en podcast. Mais fidèles à Fadjet, nous vous rappelons aussi qu'Europe & Roll, c'est surtout le dimanche 13h et le lundi à 17h30. Et ne partez pas trop vite parce que l'on se quitte sur une dernière chanson choisie par Anaïs pour cette émission pour le printemps. Alors ça y est, les oiseaux chantent, le ciel est bleu. Enfin commence à l'être, les arbres fleurissent et notre morale commence à aller mieux. Enfin presque, car si tout paraît calme, le doux climat populaire n'est pas au rendez-vous. Je vous propose de finir cette émission dans le thème en écoutant la douce voix printanière d'une chanteuse qu'on commence bien à connaître maintenant, Barbara Pravi, qui chante ici le soulèvement du peuple français. Lève-toi foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule. Sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience, ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance, que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent. Lève-toi foule, montre que dans ton sang ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées pour que brillent nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées, nos idylles. Les larmes sur nos joues sont du sel. Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune. Lève-toi, fils, si ici nous ne sommes que poussière, toi et moi. Fais honneur à tes sœurs, à leur vie, elles qui ont pour tout spécial. L'amour plus grand que toutes les croyances, l'amour plus grand.